En Grande-Bretagne, on roule à gauche, mais en France, on roule à droite. Cela veut dire que hors manœuvre, hors dépassement, la position réglementaire est de rouler dans la voie de droite. Pour prendre la sortie, une bonne position sur la chaussée permet de s'insérer progressivement dans la voie de décélération. Et si je reste sur l'autoroute, j'évite de me faire dépasser par la droite, à partir du moment où je me suis rabattu à droite. Que je prenne la prochaine sortie, ou que je continue sur l'autoroute, je dois revenir dans la voie de droite. Réponse A et C.